Lettre 28e. Nouveaux ouvrages. Souvenirs, impressions, pensées et paysages de Monsieur de Lamartine. Messieurs de Tocqueville et de Beaumont. Nouveaux règlements adoptés en Amérique. Monsieur Scribe. Madame Tastu. Accueil de différents écrivains dans la société. Quoique parmi les nouveaux ouvrages que l'on m'envoie lire, j'en ai trouvé beaucoup qui m'ont causé à la fois de la fatigue et du dégoût, effet qu'ils doivent naturellement produire sur tous ceux qui, depuis une longue suite d'années, se sont nourris le cœur et l'esprit de la littérature du bon vieux temps, ce qui, dans le langage à la mode, signifie tout ce qui sent le vieux, malgré cela, dis-je, j'ai trouvé dans le nombre quelques volumes qui m'ont enchanté. Les souvenirs, impressions, pensées et paysages dans l'Orient de M. de Lamartine sont un ouvrage qui me paraît tenir une place tout à fait à part dans la République des Lettres. À mon avis, il n'y a rien qui lui ressemble, et rien surtout qui puisse l'égaler, soit comme recueil de paysages écrits, ou comme expression de sensations poétiques et de pensées juste rendues avec un goût exquis. Ces descriptions ont peut-être été égalées en vivacité par d'autres écrivains. Mais quel est celui qui a peint des objets capables d'exciter un intérêt si profond ou d'élever l'imagination à une hauteur si délicieuse? Hélas! Pourquoi les scènes qu'il décrit sont-elles si loin de nous qu'il devient impossible d'y arriver? Comme, après avoir lu ce livre, tous les autres pays de la terre paraissent petits, mesquins, remplis des vulgaires intérêts du monde, comparés avec la Judée. Mais il y a peu de personnes qui puissent la visiter comme l'a fait Lamartine, moins encore qui sachent sentir comme il a senti, et aucune qui l'aurait décrite comme lui. Ses paroles semblent animées et étincelles sur le papier. Il verse autour de nous les rayons du soleil de l'Orient. Nous entendons le vent murmurer dans les palmiers. Nous voyons les flots rapides du Jourdain s'élancer entre ses rives fleuries, et nous sentons que le site où il nous a transportés est réellement une terre sacrée. L'élévation de ses sentiments religieux et la ferveur poétique avec laquelle il les exprime feraient croire qu'il était inspiré par la sainteté de l'air. On dirait qu'il a trouvé encore aux branches des sols de l'Euphrate les luttes qui furent suspendues jadis, et qu'il les accordait de nouveau pour accompagner ses chants sur la terre de David. La manière dont ce voyageur, si éminemment poète, debout sur les ruines de Tyr, parle de la désolation et du désespoir qui paraissent vouloir de nouveau se fixer sur la terre, cause une émotion qu'aucun ouvrage moderne ne m'a fait éprouver. Quand même la France n'aurait produit que ces volumes-ci, il suffirait pour racheter la honte dont tant de mauvais écrits ont couvert la nation et qui lui ont été si hautement reprochés. C'est d'ailleurs une grande consolation de penser que cet ouvrage est aussi assuré de vivre que tous les travaux de l'école diabolique le sont d'être oubliés. Il est peut-être avantageux pour nous de lire parfois des livres ridicules afin d'apprendre à apprécier convenablement les pensées que nous trouvons dans les bons. Et tant qu'il y aura sur la terre des hommes en état de penser, de sentir et d'écrire comme Lamartine, notre position ne sera pas tout à fait désespérée. Nous avons, à vrai dire, contracté une bien grande dette envers un auteur comme lui qui, s'emparant de l'imagination avec un pouvoir absolu, ne la conduit que dans des scènes qui purifient et qui élèvent l'âme. C'est un pouvoir terrible que celui que possède un pareil écrivain de nous mener avec lui partout où il lui plaît d'aller. Quand ce pouvoir est employé pour le mal, il ressemble beaucoup à celui d'un démon qui tente, entraîne, invite, conduit, caresse pour détruire. Mais quand c'est pour le bien, on dirait la main d'un ange qui nous guide vers le ciel. Je comptais vous parler encore de plusieurs autres ouvrages qui m'ont plu, mais je ressens en vérité, en voulant les citer, l'embarras le plus étrange. J'ai autour de moi plusieurs livres nouveaux, fort agréables dans leur genre. Mais quand j'ai l'esprit plein de Lamartine et de la Terre Sainte, tout autre sujet produit sur moi l'effet de la platitude et de l'amertume. Il faut pourtant que je surmonte cette sensation pour vous dire que vous ferez bien de lire les ouvrages de Messieurs de Tocqueville et de Beaumont sur les États-Unis. On me dit à ce sujet que les Américains ont résolu de changer totalement de conduite par rapport à la manière nationale d'accueillir les portraits que les Européens font d'eux. Cette nouvelle loi se composera de 3 articles. Par le premier, il sera désormais défendu à jamais d'admettre aucun Européen dans l'intérieur des maisons américaines. Le second recommandera à tous les citoyens de s'abstenir de la lecture de tout ce qui aurait déjà été écrit sur eux ou pourrait l'être par la suite dans quelque langue que ce soit. Le troisième article, enfin, stipule que dans le cas où les deux premiers ne produiraient pas l'effet qu'on s'en promet, les Américains ne se mettront plus jamais en colère de rien de ce que l'on pourra dire sur leur compte. Si cette loi est adoptée pendant la présidence du général Jackson, elle immortalisera son règne plus que ne l'a fait le remboursement de la dette publique. Ayant ainsi passé, je ne sais trop comment, de la Terre Sainte aux États-Unis de l'Amérique, je sens que mon enthousiasme est suffisamment calmé pour pouvoir vous entretenir de choses moins sublimes que le pèlerinage de Lamartine. Un sentiment de justice m'oblige, en parlant des ouvrages modernes, de vous prévenir que vous seriez dans l'erreur si vous supposiez que toutes les nouvelles pièces de théâtre qui éclosent ici avec la rapidité et l'éclat de ces fleurs qui ne durent qu'un jour et qui ne vivent guère plus longtemps qu'elles, que ces pièces, dis-je, partagent toute la nature et la tendance de celles que j'ai citées comme appartenant à l'école de Victor Hugo. J'en ai vu au contraire beaucoup et j'en ai lu davantage encore de ces petits vaudevilles qui non seulement sont sans reproche sous le rapport de la morale, mais qui sont encore de petites comédies parfaites dans leur genre. L'écrivain le plus célèbre pour ce genre de composition est M. Scribe, et si ce n'était pas la facilité extraordinaire avec laquelle il produit ces jolies bagatelles, qui lui ont déjà assuré une fortune considérable, je dirais qu'il serait à désirer qu'il eût moins écrit. Il a montré dans plusieurs occasions, comme dans L'Ambitieux, dans Bertrand et Raton, etc., qu'il était capable de réussir dans la difficile composition d'une bonne comédie de caractère, aussi bien que dans la charpente aisée d'un brillant vaudeville. Il est certain, à la vérité, que malgré tout ce que nous disons, et avec tant de justice sur la corruption du goût en France, à l'époque où nous vivons, il n'y a jamais eu de temps où le théâtre fut aussi riche qu'à présent en petites pièces charmantes. J'ai réellement peur de m'étendre davantage sur ce sujet par l'embarras des richesses. Si je voulais citer les titres de tous ces jolis petits riens, ma liste deviendrait si longue qu'elle lasserait votre patience. Car quoique Scribe soit toujours la source la plus féconde de ces délicieuses nouveautés, et l'auteur qui jouit plus que tout autre de la faveur du public, il y en a encore un ou deux qui suivent ses traces à quelque distance et qui tous ensemble composent, dans le cours de l'année, un nombre total de petites pièces dont le compte seul ferait frémir un directeur anglais. Un écrivain tel que Scribe est un trésor national, une source inépuisable de plaisir pour ses gais compatriotes. Aussi, je ne crois pas qu'il existe aujourd'hui en France d'auteurs dont la réputation soit aussi brillante et aussi solide. Plusieurs de ses pièces ont été importées avec succès en Angleterre, et grâce au talent de Yeats, nous commençons à n'être pas indignes de les posséder. Si nous ne pouvons espérer de voir les chefs-d'œuvre de Shakespeare, de Racine et de Molière monter avec tout l'éclat des temps passés, ces petites pièces brillantes, légères, mordantes, enjouées, gracieuses, les remplacent assez bien, en attendant qu'une nouvelle génération d'acteurs s'élève digne de représenter les nouvelles tragédies que Miss Mitford nous a données. Une preuve de plus qu'il n'est pas nécessaire d'être vicieux pour obtenir la vogue à Paris est que la pureté des poèmes de Madame Tastu ne nuit point à leur succès. Elle écrit comme une femme doit écrire, avec grâce, sensibilité, délicatesse et piété. Quoiqu'il soit évident que la poésie est son œuvre de prédilection, elle ne borne pas ses travaux littéraires à faire des vers. Mais quand elle quitte ses muses chéries, c'est pour le désir d'être utile. Son ouvrage, intitulé « Éducation maternelle », serait une acquisition précieuse pour une mère anglaise qui voudrait donner de bonne heure des leçons de français à ses enfants. La prononciation et l'accentuation sont marquées dans son livre d'une façon qui ne peut manquer de faciliter la tâche, surtout à un étranger qui, lorsqu'il veut enseigner la langue sans le secours d'un maître du pays, rencontre précisément les plus grandes difficultés dans les parties dont ses premières leçons lui aplanissent la route. C'est, ce me semble, une source assez grande de consolation et d'espoir, à une époque où une sorte de frénésie épidémique paraît s'être emparée universellement de l'esprit de tous les hommes, frénésie qui les porte à louer comme bon ce que l'expérience a démontré être mal, et à nous offrir, comme des œuvres d'une imagination sublime, des exemples d'un délire que l'on dirait avoir été recueilli dans un hôpital d'aliénés. C'est, dis-je, une grande source de consolation et d'espoir de voir qu'en définitive, si les mauvais ouvrages font du bruit à un moment, les bons seuls obtiennent une réputation durable. Qu'une personne, ayant l'habitude de réunir chez elle les hommes de lettres de Paris, fasse savoir à ses amis que tel jour elle aura Monsieur de Lamartine, et l'on peut être sûr que quand son appartement sera le plus vaste de Paris, avant 11 heures du soir, il n'y aura plus de possibilité d'y pénétrer. Tandis que si, au contraire, elle annonçait les auteurs de quelques-unes des obscènes horreurs qui ont déshonoré les théâtres de France, ceux-ci ne trouveraient en arrivant personne pour les admirer et pourraient s'écrier comme Triboulet, quand il est seul, « Que je suis grand ici !»